Française, Français, j'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai proposé au pays, dans le désespoir national, une entreprise totalitaire. La tyrannie. La France, en effet, est menacée de démocratie. L'indépendance et la liberté, eh bien non. La démocratie, eh bien non. J'en diffère la date. Il faut que s'organise la dictature. Cela doit se faire, partout et tout de suite. Il faut bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer pour aider le gouvernement d'abord, devenu ou redevenu, de politiciens au rancard dans leur tâche qui consiste à assurer autant que possible la tyrannie pour maintenir la dictature à tout moment et en tout lieu. Françaises, Français, vive la haine, vive la tyrannie.